الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Ceci est une fatwa importante où Cheikh Al-Muhaddith Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah fut interrogé sur le statut de certaines personnes. Il déclara Muhammad al-Maghrawi comme étant un innovateur takfiri, ainsi que de Al-Huwayni, qui est par ailleurs un ami et allié de l'égaré Abil Hassan al-Ma'ribi. Ce dernier, c'est-à-dire Al-Ma'ribi, s'est fait connaître par beaucoup de bid'a, innovations, qui montaient lors de la nasiha, conseil des gens de science, à son égard, à quelques 17 questions, dont celle de son insulte vis-à-vis des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les traitant par le terme arabe de Al-Ruthaïya, terme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait prononcé, et que les gens de science expliquent qu'il décrit et qualifie une autre époque, alors que le Ma'ribi l'applique abusivement aux compagnons qu'Allah les agrée tous. Écoutons maintenant la fatwa du Cheikh en arabe, puis sa traduction en français. سيدنا يعقوب الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصريه. أما حسين يعقوب فأنا لا أعرف حاله. La fatwa du Cheikh Najmi Rahimahullah. La question: quel est le statut de Muhammad al-Maghrawi, Abu Ishaq al-Huwayni et Muhammad Hussein Yaqub? La réponse du Cheikh Rahimahullah: ce que je connais de Muhammad al-Maghrawi, c'est qu'il est un takfiri, ainsi que de Abu Ishaq al-Huwayni. Il est un ami de Abi al-Hassan al-Ma'ribi et parmi ses alliés. Quant à Hussein Yaqub, je ne sais pas quel est son statut.